Salut, c'est Mike L'Écuyer pour l'émission Blues Covers. C'était bien sûr le classique du groupe anglais Kinks, You Really Got Me, enregistré en 1964. Et oui, ce morceau, ce classique du rock, composé par Ray Davies, le leader du groupe, est repris par la plupart des guitaristes débutants hein, dans les années 60-70 et même encore maintenant. La reprise la plus connue, évidemment, c'est Van Halen. On va d'abord commencer par le groupe Toots and the Metals du reggae, et puis ensuite Eric Bibb. Et puis après, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. You Really Got Me, Blues Covers. So I don't know what I'm doing. I said, girl, you really got me going. C'était Toots and the Metals en 1998. Voici maintenant Eric Bibb en 2016. Got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me, you really got me. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. At night, girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Vraiment sympa cette version d'Eric Bibb. L'album s'appelle The Happiest Man in the World. Il est paru en 2016 sur le label Dixie Frog, bien sûr. Et c'était le dernier titre du disque. Hein. Une reprise assez surprenante et bien cool. Ouais, ouais, j'adore. Alors, voici maintenant quelques versions pas piquées des hannetons, comme j'ai déjà dit. On commence avec la Finlande en 1964. L'artiste Anki Lindqvist qui vous interprète Paa Tito. Aha, mä vihdoin sinut sain. Sä pakon juoksit, mutta otin sinut vain. Aha, mä sinut sainkin. Sä mua rakastat, oon tyytyväinen. Ja niin, sä voit jo mennä. Saat pois vaan mennä, käytin sinut loppuun. Mä kanssas leikin, sä uskoit, että olin hyvä, mut paha mä oon, paha mä oon, paha mä oon. Mä sinut sainkin, niin että sydämesi särkeä voisin. Mä sinut sainkin, tämä on minun harrastukseen. Ja niin, sä voit jo mennä, saat pois vaan mennä, käytin sinut loppuun. Mä kanssas leikin, sä uskoit, että olin hyvä, mut paha mä oon, paha mä oon, paha mä oon. Et nous voici maintenant en Italie avec le groupe I4, je ne sais pas si on le dit en italien ou en anglais, donc I4 Califi, et le morceau, l'adaptation, bah, ça devient Ti Giuro Ecos en 1964. Io soffro tanto, sai, se vedo che tu non mi guardi mai. Yeah, io mi domando se potrai uscire un giorno insieme a me. Yeah, corridi sempre, sai, corridi sempre quando parlo a te. Oh yeah, tu dici che non sai se mi vuoi bene come voglio a te. Ti giuro è così, ti giuro è così, ti giuro è così. Potrò restare ancora senza te. Yeah, ti prego non mi dir che sei di un altro e che non pensi a me. Yeah, un altro non può mai amarti come io amo te. Oh yeah, perciò non dire mai che quel che dico non è vero. Ma ti giuro è così, ti giuro è così, ti giuro è così. Bon, pour l'adaptation en japonais par le groupe Arkorim en 2008, je n'ai pas réussi à trouver le morceau en entier. En voici donc un simple extrait. Voilà, le Japon se met à l'heure de You Really Got Me. Plus ambitieuse, la version de Alejandra Guzmán, Espagne, en 1989, avec une grande et belle orchestration, pardon, sous le titre « Soy tuya, mi amor ». Alejandra Guzmán. Terminons ce tour d'horizon européen de You Really Got Me avec l'adaptation française due à Dick Rivers en 1964, La seule qui me tient. Dick Rivers dans Blues Covers. Toi, tu es la seule qui me tient. car de ton âme je ne peux me passer. Oui, la seule qui me tient bien, je t'appartiens, je ne peux le nier. Créé en 1964 par Ray Davies, qui en 1998 sortit un formidable CD ou même un double ou un triple, je ne sais plus, où il raconte un peu des anecdotes et des souvenirs entre les chansons. C'est assez sympa. Et donc, je vous propose un petit monologue qui raconte un peu la gestation, hein, de la genèse du morceau avec son frère Dave Davies. Et puis après, vous aurez sa version live de 1998. I'd written You Really Got Me as a tribute to all those great blues people I love, Lead Belly and Big Bill Brunzi. And Dave was playing the song in the studio that day, but he was playing it in the style I'd written it. But then Dave plugged the guitar into the green amp. And he plugged the green amp into a Vox AC30. And it sounded huge. And when Dave played the opening chords to You Really Got Me, they were so loud that the session drummer forgot the complicated little pattern he was going to play at the beginning. And just hit one beat on the snare drum as loud as he could. Bow! As if to say to Dave, "You noisy little bleeder. I can play just as loud as you can, and I've got a big stick." But that's exactly what we wanted. You see, we wanted to sound loud. Now we sounded like a group. Halfway through the song, it was time for Dave's guitar solo. This moment had to be right. So I shouted across the studio to Dave to give him encouragement. But I seemed to spoil his concentration. He looked at me with a dazed expression. "Fuck off!" If you doubt me, if you doubt what I'm saying, I challenge you to listen to the original Kinks recording of You Really Got Me. Halfway through the song, after the second chorus, before the guitar solo, there's a drum break. And in the background, you can hear, when I did the vocal, I tried to cover it up by going, "Oh no!" But in the background, you still hear it. And it's even clearer on CD. It's really embarrassing. But then Dave looked like he'd done something wrong. His mouth relaxed and his jaw dropped. But it was halfway through the most important track we'd ever do. And if it wasn't a hit, it would be the last track we'd ever do. And the lead guitarist stops playing before the solo. But then Dave's eyes squinted and his face broke into that arrogant sideways grin that I've learned to love and hate over the years. You see, he hadn't heard me shout at all. He just thought of looking at me at the same time as I looked at him, kind of telepathic way of saying, "This is it, remember the front room." Then he gritted his teeth and sneered at me one more time and copped an attitude before turning away into the corner of the studio to play himself into rock and roll history. Et voici pour terminer ce Blues Covers consacré à You Really Got Me, la version de Van Halen enregistrée en 1978 avec le chanteur David Lee Roth. D'ailleurs, Ray Davies, j'avais lu à l'époque une interview dans un magazine américain où il racontait l'anecdote suivante. Ils étaient en tournée quand la version de Van Halen est montée dans les charts et... évidemment avec les Kings, et il y avait des mômes à la sortie du concert qui lui disaient « Oh super, votre reprise de la chanson de Van Halen !» Le monde à l'envers, quoi. Bon, ouais, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bye bye, et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.